Moi ? Ouais ? Bah attends, tu sais que c'est toujours un peu merdique. Ah bah déjà je suis à 140, il faut se mettre à 130. Bon, je laisse ce qu'il y avait d'origine là, je sais pas ce que c'est. Je laisse le truc d'origine. Hein. Attends, je me cale. Presque 4. Ah, il manque le plus fil là. Non, je sais pas, ouais. Je cherche, hein. C'est bien. Et je joue pas comme il faut. We'll be right back. le refais. Bah, je sais pas si ça ira bien. 1, 2, 3. Alors...